parti. Au-delà de tout hasard, peux-tu penser à me revoir ? Mon cœur me tient tête avec cette peur que tout s'arrête. Je me rappelle de cet instant éphémère, comme une parole qui serait la dernière. Aucun scénario ni chapitre, le préface était si beau, même sans titre. Il n'y a aucun présage en lisant ce passage, mais tu me dis que c'est plus sage de tourner la page. Dites-moi, monsieur, avez-vous l'heure ? Car je ne vis plus qu'avec mon cœur. Il serait peut-être temps que je m'en rende compte, que le temps s'arrête, que dans les coups. Aucun scénario ni chapitre, le préface était si beau, même sans titre. Il n'y a aucun présage en lisant ce passage, mais tu me dis que c'est plus sage de tourner la page. Mais dis-moi, princesse, à qui je laisse mes caresses, manifeste-t-il de la tristesse quand elles disparaissent? Car c'est un grand vide de ne plus t'avoir, comme si le vent décidait de ce soir. Aucun scénario ni chapitre, le préface était si beau, même sans titre. Il n'y a aucun présage en lisant ce passage, mais tu me dis que c'est plus sage de tourner la page. Aucun scénario ni chapitre, le préface était si beau, même sans titre. Il n'y a aucun présage en lisant ce passage, mais tu me dis que c'est plus sage de tourner la page.